Chapitre 1. L'avez-vous vu? Qui est-ce qui l'a vu? Ce n'est pas moi. Qui donc? Je n'en sais rien. Stern, Tristram Shandy. Voilà où conduit l'amour, voisin Niels. Cette pauvre Gudstersen ne serait point là étendue sur cette grande pierre noire, comme une étoile de mer oubliée par la marée, si elle n'avait jamais songé qu'à reclouer la barque ou à raccommoder les filets de son père, notre vieux camarade. Que saint Usuf le pêcheur le console dans son affliction. « Et son fiancé ?» reprit une voix aiguë et tremblotante. « Gilles Stadt, ce beau jeune homme que vous voyez tout à côté d'elle, n'y serait point si, au lieu de faire l'amour à Goethe, et de chercher fortune dans ces maudites mines de Roeras, il avait passé sa jeunesse à balancer le berceau de son jeune frère aux poutres enfumées de sa chaumière. » Le voisin Niels, à qui s'adressait le premier interlocuteur, interrompit. « Votre mémoire vieillit avec vous, mère Oli. Gilles n'a jamais eu de frère, et c'est en cela que la douleur de la pauvre veuve Stadt doit être plus amère, car sa cabane est maintenant tout à fait déserte. Si elle veut regarder le ciel pour se consoler, elle trouvera entre ses yeux et le ciel son vieux toit, où pend encore le berceau vide de son enfant, devenu grand jeune homme et mort. Pauvre mère, reprit la vieille Oli, car pour le jeune homme, c'est sa faute. Pourquoi se faire mineur à Roeras ? « Je crois en effet, dit Niels, que ces infernales mines nous prennent d'un homme parascalin de cuivre qu'elles nous donnent. Qu'en pensez-vous, compère Braal ?»« Les mineurs sont des fous, repartit le pêcheur. Pour vivre, le poisson ne doit pas sortir de l'eau, l'homme ne doit pas entrer en terre. »« Mais, demanda un jeune homme dans la foule, si le travail des mines était nécessaire à Gilles Stadt pour obtenir sa fiancée ?»« Il ne faut jamais exposer sa vie, interrompit Oli, pour des affections qui sont loin de la valoir et de la remplir. Le beau lit de noces, en effet, que Gilles a gagné pour sa gutte. » Cette jeune femme, demanda un autre curieux, s'est donc noyée en désespoir de la mort de ce jeune homme ?»« Qui dit cela ?» s'écria d'une voix forte un soldat qui venait de fendre la presse. « Cette jeune fille, que je connais bien, était en effet fiancée à un jeune mineur, écrasé dernièrement par un éclat de rocher dans les galeries souterraines de Storvatsgrube, près de Roeras. Mais elle était aussi la maîtresse d'un de mes camarades, et comme avant-hier elle voulut s'introduire à Munkholm furtivement, pour y célébrer avec son amant la mort de son fiancé, la barque qui la portait chavira sur un écueil, et elle s'est noyée. » Un bruit confus de voix s'éleva. « Impossible, seigneur soldat !» criaient les vieilles femmes. Les jeunes se taisaient. Et le voisin Niels rappelait malignement au pêcheur Braal sa grave sentence. « Voilà où conduit l'amour !» Le militaire allait se fâcher sérieusement contre ces contradicteurs femelles. Il les avait déjà appelées « vieilles sorcières de la grotte de Kiragot », et elles n'étaient pas disposées à endurer patiemment une si grave insulte, quand une voix, aigre et impérieuse, criant « Paix, paix, radoteuse !» vint mettre fin au débat. Tout se tut, comme lorsque le cri subit d'un coq s'élève parmi les glapissements des poules. Avant de raconter le reste de la scène, il n'est peut-être pas inutile de décrire le lieu où elle se passait. C'était, le lecteur l'a sans doute déjà deviné, dans un de ces édifices lugubres que la pitié publique et la prévoyance sociale consacrent aux cadavres inconnus, dernier asile de mort qui, la plupart, ont vécu malheureux, où se pressent le curieux indifférent, l'observateur morose ou bienveillant, et souvent des amis, des parents éplorés, à qui une longue et insupportable inquiétude n'a plus laissé qu'une lamentable espérance. À l'époque, déjà loin de nous, et dans le pays peu civilisé où j'ai transporté mon lecteur, on n'avait point encore imaginé, comme dans nos villes de boue et d'or, de faire de ces lieux de dépôt des monuments ingénieusement sinistres et élégamment funèbres. Le jour n'y descendait pas à travers une ouverture de forme tumulaire, le long d'une voûte artistement sculptée, sur des espèces de couches où l'on semble avoir voulu laisser aux morts quelques-unes des commodités de la vie, et où l'oreiller est marqué comme pour le sommeil. Si la porte du gardien s'entr'ouvrait, l'œil, fatigué par des cadavres nus et hideux, n'avait pas, comme aujourd'hui, le plaisir de se reposer sur des meubles élégants et des enfants joyeux. La mort était là, dans toute sa laideur, dans toute son horreur, et l'on n'avait point encore essayé de parer son squelette décharné de pompons et de rubans. La salle où se trouvaient nos interlocuteurs était spacieuse et obscure, ce qui la faisait paraître plus spacieuse encore. Elle ne recevait de jour que par la porte carrée et basse qui s'ouvrait sur le port de Drontheim, et une ouverture grossièrement pratiquée dans le plafond, d'où une lumière blanche et terne tombait avec la pluie, la grêle ou la neige, selon le temps, sur les cadavres couchés directement au-dessous. Cette salle était divisée dans sa largeur par une balustrade de fer à hauteur d'appui. Le public pénétrait dans la première partie par la porte carrée. On voyait dans la seconde six longues dalles de granit noir disposées de front et parallèlement. Une petite porte latérale servait dans chaque section d'entrée au gardien et à son aide, dont le logement remplissait les derrières de l'édifice, adossé à la mer. Le mineur et sa fiancée occupaient deux des lits de granit. La décomposition s'annonçait dans le corps de la jeune fille par les larges taches bleues et pourprées qui couraient le long de ses membres sur la place des vaisseaux sanguins. Les traits de Gilles paraissaient durs et sombres, mais son cadavre était si horriblement mutilé qu'il était impossible de juger si sa beauté était aussi réelle que le disait la vieille Holly. C'est devant ces restes défigurés qu'avait commencé, au milieu de la foule muette, la conversation dont nous avons été le fidèle interprète. Un grand homme, sec et vieux, assis, les bras croisés et la tête penchée sur un débris d'escabelle dans le coin le plus noir de la salle, n'avait paru y prêter aucune attention, jusqu'au moment où il se leva subitement en criant « Paix, paix, radoteuse !» et vint saisir le bras du soldat. Tout le monde se tut. Le soldat se retourna et partit d'un brusque éclat de rire à la vue de son singulier interrupteur, dont le visage hâve, les cheveux rares et sales, les longs doigts et le complet accoutrement de cuir de renne justifiaient amplement un accueil aussi gai. Cependant, un murmure s'élevait dans la foule des femmes, un moment interdite. « C'est le gardien de Splatgest !» Nom de la morgue de Drontheim. « Cet infernal concierge des morts !» Ce diabolique spiagudry, ce maudit sorcier. Paix, radoteuse, paix. Si c'est aujourd'hui jour de sabbat, hâtez-vous d'aller retrouver vos balais, autrement ils s'envoleront tout seuls. Laissez en paix ce respectable descendant du dieu Thor. Puis Spiagudry, s'efforçant de faire une grimace gracieuse, adressa la parole au soldat. « Vous disiez, mon brave, que cette misérable femme... »« Le vieux drôle !» murmura Holly. « Oui, nous sommes pour lui de misérables femmes, parce que nos corps, s'ils tombent en ses griffes, ne lui rapportent à la taxe que 30 ascalins, tandis qu'il en reçoit 40 pour la méchante carcasse d'un homme. »« Silence, vieille !» répéta Spiagudry. En vérité, ces filles du diable sont comme leurs chaudières. Lorsqu'elles s'échauffent, il faut qu'elles chantent. Dites-moi, vous, mon vaillant roi de l'épée, votre camarade, dont cette gutte était la maîtresse, va sans doute se tuer du désespoir de l'avoir perdue. » Ici éclata l'explosion longtemps comprimée. « Entendez-vous, le mécréant, le vieux païen ? » crièrent 20 voix aigres et discordantes. « Il voudrait voir un vivant de moins à cause des 40 ascalins que lui rapporte un mort. » « Et quand cela serait ? » reprit le concierge de Splagest. « Notre gracieux roi et maître Christiem V, que Saint-Hospice bénisse, ne se déclare-t-il pas le protecteur né de tous les ouvriers des mines, afin, lorsqu'il meurt, d'enrichir son trésor royal de leur chétive dépouille ?»« C'est faire beaucoup d'honneur au roi, » répliqua le pêcheur Brahal, « que de comparer le trésor royal au coffre-fort de votre charnier, et lui à vous, voisin Spiaguldry. » « Voisin ? » dit le concierge, choqué de tant de familiarité. « Votre voisin ? Dites plutôt votre hôte, car il se pourrait bien faire que quelque jour, mon cher citoyen de la barque, je vous prêtasse pour une huitaine de jours un de mes 6 lits de pierre. Au reste, ajouta-t-il en riant, si je parlais de la mort de ce soldat, c'était simplement pour voir se perpétuer l'usage du suicide dans les grandes et tragiques passions que ces dames ont coutume d'inspirer. Eh bien, grand cadavre gardien de cadavre, dit le militaire, où en veux-tu donc venir avec ta grimace aimable qui ressemble si bien au dernier éclat de rire d'un pendu ? À merveille, mon vaillant, répondit Spiaguldry. J'ai toujours pensé qu'il y avait plus de facultés spirituelles sous le casque du gendarme Turn, qui vainquit le diable avec le sabre et la langue, que sous la mitre de l'évêque Isleif, qui a fait l'histoire d'Islande, ou sous le bonnet carré du professeur Schoening, qui a décrit notre cathédrale. En ce cas, si tu m'en crois, mon vieux sac de cuir, tu laisseras là les revenus du charnier, et tu iras te vendre au cabinet de curiosité du vice-roi à Bergen. Je te jure par Saint Belphégor qu'on y paie au poids de l'or les animaux rares. Mais, dis-tu, que veux-tu de moi ? Quand les corps qu'on nous apporte ont été trouvés dans l'eau, nous sommes obligés de céder la moitié de la taxe aux pêcheurs. Je voulais donc vous prier, illustre héritier du gendarme Turn, d'engager votre infortuné camarade à ne point se noyer et à choisir quelque autre genre de mort. La chose doit lui être indifférente, et il ne voudrait pas faire tort en mourant au malheureux chrétien qui donnera l'hospitalité à son cadavre, si toutefois la perte de Gut le pousse à cet acte de désespoir. C'est ce qui vous trompe, mon charitable et hospitalier concierge. Mon camarade n'aura point la satisfaction d'être reçu dans votre appétissante auberge à 6 lits. Croyez-vous qu'il ne soit pas déjà consolé avec une autre valkyrie de la mort de celle-là ? Il y a, par ma barbe, bien longtemps qu'il était là de votre gutte. » À ces mots, l'orage, que Spiaguldry avait un moment détourné sur sa tête, revint fondre plus terrible que jamais sur le malencontreux soldat. « Comment, misérable drôle ! » criaient les vieilles. « C'est ainsi que vous nous oubliez ? Mais aimez donc maintenant ces vauriens-là » Les jeunes se taisaient encore. Quelques-unes même trouvaient, bien malgré elles, que ce mauvais sujet avait assez bonne mine. « Oh oh ! » dit le soldat. « Est-ce donc une répétition du sabbat ? Le supplice de Belzébuth est bien effroyable s'il est condamné à entendre de pareils chœurs une fois par semaine. » On ne sait comment cette nouvelle bourrasque se serait passée, si, en ce moment, l'attention générale n'eût été entièrement absorbée par un bruit venu du dehors. La rumeur s'accrut progressivement, et bientôt un essaim de petits garçons demi-nus criant et courant autour d'une civière voilée et portée par deux hommes, entra tumultueusement dans le Splaggest. « D'où vient cela ?» demanda le concierge au porteur. « Des grèves d'Urkstall !»« Oh, Glippiglap !» cria Spiagudry. Une des portes latérales s'ouvrit. Un petit homme de race lapone, vêtu de cuir, se présenta, fit signe au porteur de le suivre. Spiagudry les accompagna, et la porte se referma avant que la multitude curieuse eût eu le temps de deviner, à la longueur du corps posé sur la civière, si c'était un homme ou une femme. Ce sujet occupait encore toutes les conjectures quand Spiagudry et son aide reparurent dans la seconde salle portant un cadavre d'homme qu'ils déposèrent sur l'une des couches de granit. « Il y a longtemps que je n'avais touché d'aussi beaux habits !» dit Oglipiglap. Puis, hochant la tête et se haussant sur la pointe des pieds, il accrocha au-dessus du mort un élégant uniforme de capitaine. La tête du cadavre était défigurée et les autres membres couverts de sang. Le concierge l'arrosa plusieurs fois avec un vieux seau à demi brisé. « Par Saint Belzébuth ! » cria le soldat. « C'est un officier de mon régiment. Voyons, serait-ce le capitaine Bollard ? De douleur d'avoir perdu son oncle ? Bah, il irrite. Le baron Randmer ? Il a risqué hier sa terre au jeu, mais demain il la regagnera avec le château de son adversaire. Serait-ce le capitaine Lorry, dont le chien s'est noyé ? Ou le trésorier Stunk, dont la femme est infidèle ? Mais vraiment, je ne vois point dans tout cela de motif pour se faire sauter la cervelle. » La foule croissait à chaque instant. En ce moment, un jeune homme qui passait sur le port, voyant cette affluence de peuple, descendit de cheval, remit la bride aux mains du domestique qui le suivait et entra dans le Splaggest. Il était vêtu d'un simple habit de voyage, armé d'un sabre et enveloppé d'un large manteau vert. Une plume noire, attachée à son chapeau par une boucle de diamants, retombait sur sa noble figure et se balançait sur son front élevé, ombragé de longs cheveux châtains. Ses bottines et ses éperons, souillés de boue, annonçaient qu'il venait de loin. Lorsqu'il entra, un homme, petit et trapu, enveloppé comme lui d'un manteau et cachant ses mains sous des gants énormes, répondait au soldat. « Et qui vous dit qu'il s'est tué ? Cet homme ne s'est pas plus suicidé, j'en réponds, que le toit de votre cathédrale ne s'est incendié de lui-même. » Comme la bisègue fait deux blessures, cette phrase fit naître deux réponses. « Notre cathédrale, dit Nails, on la couvre maintenant en cuivre. C'est ce misérable An qui, dit-on, y a mis le feu pour faire travailler les mineurs, parmi lesquels se trouvait son protégé Gilles Stat, que vous voyez ici. « Comment diable ! » s'écriait de son côté le soldat. « M'osé soutenir à moi, second arquebusier de la garnison de Munkholm, que cet homme-là ne s'est pas brûlé la cervelle ?»« Cet homme est mort assassiné !» reprit froidement le petit homme. « Mais écoutez donc l'oracle ! Va, tes petits yeux gris ne voient pas plus clair que tes mains sous les gros gants dont tu les couvres au milieu de l'été. » Un éclair brilla dans les yeux du petit homme. « Soldat, prie ton patron que ces mains-là ne laissent pas un jour leur empreinte sur ton visage. »« Oh, sortons !» cria le soldat enflammé de colère. Puis, s'arrêtant tout à coup, « Non !» dit-il, « car il ne faut point parler de duel devant des morts. » Le petit homme grommela quelques mots dans une langue étrangère et disparut. Une voix s'éleva. « C'est au grève d'Urkstall qu'on l'a trouvé. »« Au grève d'Urkstall ? » dit le soldat. « Le capitaine Dispolsen a dû y débarquer ce matin venant de Copenhague. »« Le capitaine Dispolsen n'est point encore arrivé à Munkholm, » dit une autre voix. « On dit que Handisland erre actuellement sur ses plages. » reprit un quatrième. « En ce cas, il est possible que cet homme soit le capitaine, » dit le soldat. « Si An est le meurtrier, car chacun sait que l'Islandais assassine d'une manière si diabolique que ses victimes ont souvent l'apparence de suicider. » « Quel homme est-ce donc que ce An ? » demanda-t-on. « C'est un géant, » dit l'un. « C'est un nain, » dit l'autre. « Personne ne l'a donc vu ? » reprit une voix. Ceux qui le voient pour la première fois le voient aussi pour la dernière. « Chut !» dit la vieille aussi. « Il n'y a, dit-on, que 3 personnes qui aient jamais échangé des paroles humaines avec lui. Ce réprouvé de Spiagudry, la veuve Stat et... Mais il a eu malheureuse vie et malheureuse mort, ce pauvre Gilles que vous voyez ici. « Chut !» répéta-t-on de toutes parts. « Maintenant !» s'écria tout à coup le soldat. « Je suis sûr que c'est en effet le capitaine Dispolsen. Je reconnais la chaîne d'acier que notre prisonnier, le vieux Schumacher, lui donna en don à son départ. » Le jeune homme à la plume noire rompit vivement le silence. « Vous êtes sûr que c'est le capitaine Dispolsen ?»« Sûr, par les mérites de Saint-Belzébuth, » dit le soldat. Le jeune homme sortit brusquement. « Fais avancer une barque pour Munkholm, » dit-il à son domestique. « Mais, seigneur, et le général ? Tu lui mèneras les chevaux. J'irai demain. Suis-je mon maître ou non ? Allons, le jour baisse et je suis pressé. Une barque. » Le valet obéit et suivit quelque temps des yeux son jeune maître qui s'éloignait du rivage. Chapitre 2. Je m'assirai près de vous, tandis que vous raconterez quelque histoire agréable pour tromper le temps. Mathurin Bertram. Le lecteur sait déjà que nous sommes à Trondheim, l'une des 4 principales villes de la Norvège, bien qu'elle ne fût pas la résidence du vice-roi. À l'époque où cette histoire se passe, en 1699, le royaume de Norvège était encore uni au Danemark et gouverné par des vice-rois dont le séjour était Bergen, cité plus grande, plus méridionale et plus belle que Trondheim, en dépit du surnom de mauvais goût que lui donnait le célèbre amiral Tromp. Trondheim offre un aspect agréable lorsqu'on y arrive par le golfe auquel cette ville donne son nom. Le port assez large, quoique les vaisseaux n'y entrent pas aisément en tout temps, ne présentait toutefois alors que l'apparence d'un long canal, bordé à droite de navires danois et norvégiens, à gauche de navires étrangers, division prescrite par les ordonnances. On voit dans le fond la ville, assise sur une plaine bien cultivée et surmontée par les hautes aiguilles de sa cathédrale. Cette église, un des plus beaux morceaux de l'architecture gothique, comme on peut en juger par le livre du professeur Schöning, si savamment cité par Spiagudry, qui la décrivit avant que de fréquents incendies ne l'eussent ravagé, portait sur sa flèche principale la croix épiscopale, signe distinctif de la cathédrale de l'évêché luthérien de Trondheim. Au-dessus de la ville, on aperçoit, dans un lointain bleuâtre, les cimes blanches et grêles des monts de Col, pareilles aux fleurons aigus d'une couronne antique. Au milieu du port, à une portée de canon du rivage, s'élève, sur une masse de rochers battus des flots, la solitaire forteresse de Munkholm, sombre prison qui renfermait alors un captif célèbre par l'éclat de ses longues prospérités et de ses rapides disgrâces. Schumacher, né dans un rang obscur, avait été comblé des faveurs de son maître, puis précipité du fauteuil de grand chancelier de Danemark et de Norvège sur le banc des traîtres, puis traîné sur l'échafaud, et de là jeté par grâce dans un cachot isolé à l'extrémité des 2 royaumes. Ces créatures l'avaient renversé, sans qu'il eût droit de crier à l'ingratitude. Pouvait-il se plaindre de voir se briser sous ses pieds des échelons qu'il n'avait placés si haut que pour s'élever lui-même? Celui qui avait fondé la noblesse en Danemark voyait, du fond de son exil, les grands qu'il avait fait se partager ses propres dignités. Le comte Eiffeld, son mortel ennemi, était son successeur comme grand chancelier. Le général Arensdorf disposait, comme grand maréchal, des grades militaires. Et l'évêque Spolisson exerçait la charge d'inspecteur des universités. Le seul de ses ennemis qui ne lui dut pas son élévation était le comte Ulrich Frédéric Guldenlow, fils naturel du roi Frédéric III, vice-roi de Norvège. C'était le plus généreux de tous. C'est vers le triste rocher de Munkholm que s'avançait assez lentement la barque du jeune homme à la plume noire. Le soleil baissait rapidement derrière le château fort isolé, dont la masse interceptait ses rayons, déjà si horizontaux que le paysan des collines lointaines et orientales de l'Archine pouvait voir se promener près de lui, sur les bruyères, l'ombre vague de la sentinelle placée sur le donjon le plus élevé de Munkholm. Chapitre 3. Ah, mon cœur ne pouvait être plus sensiblement blessé. Un jeune homme sans mœurs. Il a osé la regarder. Ses regards souillaient sa pureté. Claudia, cette seule pensée me met hors de moi. Lessing. Andrew, allez dire que dans une demi-heure on sonne le couvre-feu. Sorcil relèvera du Kness à la grande herse et Maldivius montera sur la plateforme de la grosse tour. Qu'on veille attentivement du côté du donjon du lion de Schleswig. Ne pas oublier à 7 heures de tirer le canon pour qu'on lève la chaîne du port. Mais non, on attend encore le capitaine Dispolsen. Il faut au contraire allumer le fanal et voir si celui de Waldehog est allumé, comme l'ordre en a été donné aujourd'hui. Surtout qu'on tienne des rafraîchissements, prêts pour le capitaine. Et j'oubliais qu'on marque pour 2 jours de cachot Toric Belfast, second arquebusier du régiment. Il a été absent toute la journée. Ainsi parlait le sergent d'armes sous la voûte noire et enfumée du corps de garde de Munkholm, situé dans la tour basse qui domine la première porte du château. Les soldats auxquels il s'adressait quittèrent le jeu ou le lit pour exécuter ses ordres. Puis le silence se rétablit. En ce moment, le bruit alternatif et mesuré des rames se fit entendre au dehors. Voilà sans doute enfin le capitaine Dispolsen, dit le sergent en ouvrant la petite fenêtre grillée qui donne sur le golfe. Une barque abordait en effet au bas de la porte de fer. Qui va là? Cria le sergent d'une voix rauque. Ouvrez, répondit-on. Paix et sûreté. On n'entre pas. Avez-vous droit de passe? Oui. C'est ce que je vais vérifier. Si vous mentez, par les mérites du saint mon patron, je vous ferai goûter l'eau du golfe. » Puis, refermant le guichet et se retournant, il ajouta « Ce n'est point encore le capitaine. » Une lumière brilla derrière la porte de fer. Les verrous rouillés crièrent. Les barres se levèrent, elle s'ouvrit. Et le sergent examina un parchemin que lui présentait le nouveau venu. « Passez, dit-il. « Arrêtez, cependant, reprit-il brusquement. Laissez en dehors la boucle de votre chapeau. On n'entre pas dans les prisons d'État avec des bijoux. Le règlement porte que le roi et les membres de la famille du roi, le vice-roi et les membres de la famille du vice-roi, l'évêque et les chefs de la garnison sont seuls exceptés. Vous n'avez, n'est-ce pas, aucune de ces qualités ? Le jeune homme détacha, sans répondre, la boucle proscrite et la jeta pour paiement au pêcheur qui l'avait amené. Celui-ci, craignant qu'il ne revînt sur sa générosité, se hâta de mettre un large espace de mer entre le bienfaiteur et le bienfait. Tandis que le sergent, murmurant de l'imprudence de la chancellerie qui prodiguait ainsi les droits de passe, replaçait les lourds barreaux, et que le bruit lent de ses bottes fortes retentissait sur les degrés de l'escalier tournant du corps de garde, le jeune homme, après avoir rejeté son manteau sur ses épaules, traversait rapidement la voûte noire de la tour basse, puis la longue place d'armes, puis le hangar de l'artillerie, où gisaient quelques vieilles couleuvrines démontées que l'on peut voir aujourd'hui dans le musée de Copenhague, et dont le cri impérieux d'une sentinelle l'avertit de s'éloigner. Il parvint à la grande herse qui fut levée à l'inspection de son parchemin. Là, suivi d'un soldat, il franchit, suivant la diagonale, sans hésiter et comme un habitué de ces lieux, une de ces quatre cours carrées qui flanquent la grande cour circulaire, du milieu de laquelle sort le vaste rocher rond où s'élevait alors le donjon, dit « château du lion de Schleswig », à cause de la détention que Rolf le nain y fit jadis subir à son frère, Joatin le lion, duc de Schleswig. Notre intention n'est pas de donner ici une description du donjon de Munkholm, d'autant plus que le lecteur, enfermé dans une prison d'État, craindrait peut-être de ne pouvoir se sauver au travers du jardin. Ce serait à tort, car le château du lion de Schleswig, destiné à des prisonniers de distinction, leur offrait, entre autres commodités, celle de se promener dans une espèce de jardin sauvage assez étendu, où des touffes de houx, quelques vieux ifs, quelques pins noirs, croissaient parmi les rochers autour de la haute prison, et dans un enclos de grands murs et d'énormes tours. Arrivé au pied du rocher rond, le jeune homme gravit les degrés grossièrement taillés qui montent tortueusement jusqu'au pied de l'une des tours de l'enclos, laquelle, percée d'une poterne dans sa partie inférieure, servait d'entrée au donjon. Là, il sonna fortement d'un corps de cuivre que lui avait remis le gardien de la grande herse. « Ouvrez ! Ouvrez !» cria vivement une voix de l'intérieur. « C'est sans doute ce maudit capitaine !» La poterne qui s'ouvrit laissa voir au nouvel arrivant, dans l'intérieur d'une salle gothique faiblement éclairée, un jeune officier, nonchalamment couché sur un amas de manteaux et de peaux de renne, près d'une de ces lampes à trois becs que nos aïeux suspendaient aux rosaces de leur plafond et qui, pour le moment, était posée à terre. La richesse élégante et même l'excessive recherche de ses vêtements contrastait avec la nudité de la salle et la grossièreté des meubles. Il tenait un livre entre ses mains et se détourna à demi vers le nouveau venu. « C'est le capitaine ? Salut, capitaine ! Vous ne vous doutiez guère que vous faisiez attendre un homme qui n'a point la satisfaction de vous connaître. Mais notre connaissance sera bientôt faite, n'est-il pas vrai ? Commencez par recevoir tous mes compliments de condoléances sur votre retour dans ce vénérable château. Pour peu que j'y séjourne encore, je vais devenir gai comme la chouette qu'on cloue à la porte des donjons pour servir d'épouvantail. Et quand je retournerai à Copenhague pour les fêtes du mariage de ma sœur, du diable si 4 dames sur 100 me reconnaissent. Dites-moi, les nœuds de ruban rose au bas du juste au corps sont-ils toujours de mode? A-t-on traduit quelques nouveaux romans de cette française, la demoiselle Scudéry? Je tiens précisément la Clélie. Je suppose qu'on la lit encore à Copenhague. C'est mon code de galanterie, maintenant que je soupire loin de tant de beaux yeux. Car, tous beaux yeux qu'ils sont, les yeux de notre jeune prisonnière, vous savez de qui je veux parler, ne me disent jamais rien. Ah, sans les ordres de mon père. Il faut vous dire en confidence, capitaine, que mon père, n'en parlez pas, m'a chargé de... Vous m'entendez, auprès de la fille de Schumacher. Mais je perds toutes mes peines. Cette jolie statue n'est pas une femme. Elle pleure toujours et ne me regarde jamais. » Le jeune homme, qui n'avait pu encore interrompre l'extrême volubilité de l'officier, poussa un cri de surprise. « Comment ? Que dites-vous ? Chargé de séduire la fille de ce malheureux shoemaker ?»« Séduire ? Eh bien, soit, si c'est ainsi que cela s'appelle à présent à Copenhague. Mais j'en défierais le diable. Avant-hier, étant de garde, je mis exprès pour elle une superbe fraise française qui m'était envoyée de Paris même. Croiriez-vous qu'elle n'a pas levé seulement les yeux sur moi ? Quoique j'ai traversé 3 ou 4 fois son appartement en faisant sonner mes éperons neufs, dont la molette est plus large qu'un ducat de Lombardie. C'est la forme la plus nouvelle, n'est-ce pas ? Dieu ! Dieu ! Dit le jeune homme en se frappant le front. « Mais cela me confond !»« N'est-ce pas ? » reprit l'officier, se méprenant sur le sens de cette exclamation. « Pas la moindre attention à moi ! C'est incroyable ! Mais c'est pourtant vrai !» Le jeune homme se promenait, violemment agité, de long en large et à grands pas. « Voulez-vous vous rafraîchir, capitaine Dispolsen ? » lui cria l'officier. Le jeune homme se réveilla. « Je ne suis point le capitaine Dispolsen. »« Comment ? » dit l'officier d'un ton sévère et se levant sur son séant. « Et qui donc êtes-vous pour oser vous introduire ici et à cette heure ?» Le jeune homme déploya sa carte. « Je veux voir le comte Grimfenfeld. Je veux dire votre prisonnier. »« Le comte ? Le comte ? » murmura l'officier d'un air mécontent. « Mais en vérité, cette pièce est en règle. Voilà bien la signature du vice-chancelier Grumond de Knud. Le porteur pourra visiter à toute heure et en tout temps toutes les prisons royales. Grumond de Knud est frère du vieux général Levin de Knud, qui commande à Trondheim. Et vous saurez que ce vieux général a élevé mon futur beau-frère. » « Merci de vos détails de famille, lieutenant. Ne pensez-vous pas que vous m'en avez déjà assez raconté ?»« L'impertinent a raison, » se dit le lieutenant en se mordant les lèvres. « Hola, huissier ! Huissier de la tour ! Conduisez cet étranger à Shoemaker, et ne grondez pas si j'ai décroché votre luminaire à 3 becs et à 1 mèche. Je n'étais pas fâché d'examiner une pièce qui date sans doute de Skiol le païen ou de Avar le pourfendu. Et d'ailleurs, on ne suspend plus au plafond que des lustres en cristal. » Il dit, et pendant que le jeune homme et son conducteur traversaient le jardin désert du donjon, il reprit, martyr de la mode, le fil des aventures galantes de l'Amazone Clélie et d'Horatius le Borgne. Chapitre 4. Benvolio. Où diable ce Roméo peut-il être ? Il n'est pas rentré chez lui cette nuit. Mercutio. Il n'est pas rentré chez son père. J'ai parlé à son domestique. Shakespeare. Cependant, un homme et 2 chevaux étaient entrés dans la cour du palais du gouverneur de Trondheim. Le cavalier avait quitté la selle en hochant la tête d'un air mécontent. Il se préparait à conduire les 2 montures à l'écurie, lorsqu'il se sentit saisir brusquement le bras et une voix lui cria « Comment ? Vous voilà seul, poêle ? Et votre maître ? Où est votre maître ?» C'était le vieux général Levin de Knud, qui, de sa fenêtre, ayant vu le domestique du jeune homme et la selle vide, était descendu précipitamment et fixé sur le valet un regard plus inquiet encore que sa question. « Excellence, » dit Poel en s'inclinant profondément, « mon maître n'est plus à Trondheim. »« Quoi ? Il y était donc ? Il est reparti sans voir son général, sans embrasser son vieil ami ? Et depuis quand ? » ?»« Il est arrivé ce soir et reparti ce soir. »« Ce soir ? Ce soir ? Mais où donc s'est-il arrêté ? Où est-il allé ? » Il a descendu au Splaggest et s'est embarqué pour Munkholm. Ah, Je le croyais aux antipodes. Mais que va-t-il faire à ce château? Qu'allait-il faire au Splaggest? Voilà bien mon chevalier errant. C'est aussi un peu ma faute. Pourquoi l'ai-je élevé ainsi? J'ai voulu qu'il fût libre en dépit de son rang. Aussi n'est-il point esclave des étiquettes, dit Poel. Non, mais il l'est de ses caprices. Allons, il va sans doute revenir. Songez à vous rafraîchir, Poel. Dites-moi. Et le visage du général prit une expression de sollicitude. Dites-moi, Poel, avez-vous beaucoup couru à droite et à gauche? Mon général, nous sommes venus en droite ligne de Bergen. Mon maître était triste. Triste? Que s'est-il donc passé entre lui et son père? Ce mariage lui déplaît-il? Je l'ignore, mais on dit que sa sérénité l'exige. L'exige? Vous dites, Poel, que le vice-roi l'exige. Mais pour qu'il l'exige, il faut qu'Ordener s'y refuse. Je l'ignore, Excellence. Il paraît triste. Triste. Savez-vous comment son père l'a reçu? La première fois, c'était dans le camp, près Bergen. Sa sérénité a dit « Je ne vous vois pas souvent, mon fils. »« Tant mieux pour moi, monseigneur et père, » a répondu mon maître, « si vous vous en apercevez. » Puis il a donné à sa sérénité des détails sur ses courses du Nord, et sa sérénité a dit « C'est bien. » Le lendemain, mon maître est revenu du palais et a dit « On veut me marier, mais il faut que je voie mon second père, le général Levin. » J'ai scellé les chevaux et nous voilà. Vrai, mon bon Poel, dit le général d'une voix altérée. Il m'a appelé son second père. Oui, votre excellence. Malheur à moi si ce mariage le contrarie, car j'encourrais plutôt la disgrâce du roi que de m'y prêter. Mais cependant, la fille du grand chancelier des deux royaumes. À propos, Poel. Ordener, sait-il que sa future belle-mère, la comtesse d'Affeld, est ici incognito depuis hier et que le comte y est attendu? Je l'ignore, mon général. Oh, se dit le vieux gouverneur. Oui, il le sait, car pourquoi aurait-il battu en retraite dès son arrivée? Ici, le général, après avoir fait un signe de bienveillance à Poel, et saluer la sentinelle qui lui présentait les armes, rentra inquiet dans l'hôtel d'où il venait de sortir inquiet.